Radiomatic. Les électronistes vous accueillent ce soir avec la formation Liquid Divine et la pièce Fortune and Fame tirée de leur deuxième album intitulé Black Box. Bienvenue à cette transmission 008 d'Audiomatic en ce mercredi 12 novembre 2014. Jusqu'à 19h, nous vous présenterons des artistes qui ont apporté leur contribution à la scène de la musique électronique contemporaine. N'hésitez surtout pas à communiquer avec nous pour nous faire part de vos coups de cœur, demandes spéciales ou commentaires. La meilleure façon de nous joindre est bien sûr de nous écrire par l'entremise de notre adresse électronique audiomaticcfou@commercial.gmail.com. Notre profil Facebook situé au audiomaticcfou est aussi une alternative pour entrer en contact avec nous, pour en découvrir davantage sur les artistes que nous vous faisons entendre à chaque semaine et surtout pour écouter les anciennes transmissions en différé sur Internet. Le prochain segment musical à Audiomatic s'amorcera avec l'artiste suédois Andreas Clearup. Bonne transmission. Oh. Audiomatic. Il s'agissait du duo suédois I Am, Amai ou Amai, mené par la chanteuse Jonah Lee, qui nous offrait la chanson Shadow Show de leur troisième album audiovisuel intitulé Blue. Dans le cas de I Am, Amai ou Amai, on parle d'album audiovisuel car en plus de la musique, ils nous offrent toujours des vidéos pour accompagner chacune de leurs compositions. Tout juste avant, on pouvait entendre le trio britannique Emperor Yes avec la chanson Cosmos, qui était parue en 2013, mais qui se retrouve sur leur premier album, An Island Called Earth, qui est sorti le 21 septembre dernier. Et en début de segment, on avait droit à Clear Up, le projet du Suédois Andreas Clear Up, mieux connu pour sa collaboration avec la chanteuse Robin en tant que producteur. On entendait sa composition Sad Boys du mini-album As If We Never Won. Nous entamons la prochaine séquence musicale avec la formation Orphex. Orphex, O-R-P-H-X, c'est un duo canadien composé de Rich Ody et de Christina Seely qui évolue depuis le début des années 90. Et ils ont débuté leur carrière avec une musique plus expérimentale. Aujourd'hui, ils s'aventurent davantage dans une forme de techno minimale qu'ils étalent depuis 2009 sur une série de 12 pouces qui paraît sur l'étiquette Sonic Groove. Nous écoutons donc à l'instant une pièce tirée de leur tout nouveau 12 pouces, le sixième de la série. Voici donc Orphex et What Will Burn à Audiomatic. La séquence se concluait sur la musique du projet Plateau, incarnée par les artistes Kevin Key et Phil Western. La pièce qui a joué, Buddha's Sister, se trouve sur leur album Isolator. Auparavant, nous écoutions le projet OTX de l'artiste anglo-italien Stefano Pireda. Il nous livrait la pièce Last Train to Southeast Europe de son second album A World in Red. Et nous amorcions la séquence avec Orphex et la pièce What Will Burn, tirée de la plus récente parution de cette formation, soit le 12 pouces intitulé Sacrifice. Allons-y maintenant en musique avec le duo Peeping Tom à Audiomatic avec les électronistes. On ne sait pas ce qui peut arriver. Le futur se dérobe et semble indomptable. Mais cela peut arriver. Cela peut m'arriver, cela peut arriver à beaucoup de gens, à quiconque, à n'importe qui. Face à mon désarroi, un type que je connais m'a dit un jour un truc qui lui semblait vraiment important. Il m'a dit, les choses sont souvent plus simples qu'elles ne paraissent. Ça peut arriver aussi, tu sais, comme ça m'est arrivé. Moi, j'étais barricadé derrière mon mécanisme anti-pop. Une sorte de jeu de hasard. Un peu comme un coup de poker, si vous voulez. Plastique, plastique, solide, liquide. Liquide comme le sable qui file irrémédiablement entre mes doigts engourdis. Mais physiquement, chimiquement, ça peut aussi vous arriver. Décembre est bien cruel. Remarque que novembre est pas mal non plus. Où sommes-nous? Décembre. Si terriblement cruel. Ça peut arriver aussi, tu sais. Comme ça lui est arrivé, comme ça arrive à n'importe qui. Animal, minéral, végétal. Hiver, printemps. Juste attendre le printemps, regarder, recevoir la nouvelle donne et avoir ce grand frisson avant de gagner ou de perdre. Tu joues ou tu risques, c'est un jeu de chance. Un jeu de choix. Tu risques, tu mises. Ça, c'est la règle du jeu. C'est ça qui te plaît. Mais si décembre est cruel, janvier l'est peut-être aussi. Alors rappelle-toi, les choses sont souvent plus simples qu'elles ne paraissent. Tel le feu qui est bien plus lumineux qu'il n'éclaire. Ça peut arriver. Ça peut m'arriver. Ça peut arriver à beaucoup de gens. À quiconque. À n'importe qui. À quiconque. À n'importe. so many libraries on all these piles of hard drives, collected data. How do you find it? What kind of search engine do you use? What we buy, what we sell, what do you want? Infosphäre, muss Status sein wie Luft. Die sphärische Hülle der elektromagnetischen Wellen muss frei sein wie der Luft. Wir atmen Daten, wir trinken Daten. Wir schwimmen und ertrinken in Daten, während Daten strömen. Pour terminer cette séquence, on pouvait entendre la formation multidisciplinaire Chicks on Speed qui sont basés à Munich et qui nous présentait la chanson Wir sind Daten de leur album Artstravaganza, auquel ont collaboré entre autres le controversé Julian Assange et l'énigmatique Yoko Ono. Et pour débuter, il s'agissait du duo Peeping Tom et la pièce « Les choses sont » de l'album « Liquid Sand » qui n'est plus disponible, je crois, présentement et qui est paru en 2000. C'est le moment d'écouter la pièce qui conclura la transmission 008 d'Audiomatic. Il s'agit du groupe Delirium, duquel nous entendrons la pièce instrumentale « Rain Down » de leur plus récent album « Music Box Opera ». Le concept de Delirium, depuis leur album Karma, qui a littéralement projeté le projet à l'avant-scène en 1997, c'est de permettre à différentes chanteuses de poser leur voix sur la musique composée majoritairement par l'artiste canadien Bill Lead. Dans la pièce qu'il va jouer, pas de chanteuse toutefois, seulement une musique ambiante et contemplative, un peu mélancolique. Les électronistes qui vous remercient d'avoir été à l'écoute de cette édition de l'émission Audiomatic, l'adresse électronique pour nous joindre, audiomatic@gmail.com. Notre profil sur Facebook est repérable avec les mêmes mots-clés, soit Audiomatic CFOU. Et d'ailleurs, sur notre profil Facebook, vous pourrez y trouver les liens pour entendre ou réentendre les anciennes émissions disponibles en balado-diffusion. Nous serons au rendez-vous mercredi prochain à 18h. Nous espérons que vous le serez aussi. D'ici là, eh bien, les audacieuses suivent dans quelques minutes. Mais tout juste avant, voici Delirium et la pièce « Rain Down ».